J'aime pas l'histoire, présenté par Nicolas. À tous ceux qui ont été traumatisés par les cours d'histoire dans leur jeunesse, mais qui aiment Nancy, ses monuments, ses portes, et qui se posent des questions, cette chronique est faite pour vous. Aujourd'hui, évoquons un nom familier des habitants de Nancy, qui fait référence à une porte, mais aussi à une rue et à un mémorial. Il s'agit de Désilly. Ce nom est celui d'un lieutenant de l'armée française, André Désilly, né à Saint-Malo le 11 mars 1767 et mort à Nancy le 17 octobre 1790, à l'âge de 23 ans. Le lieutenant Désilly a donc été en poste à Nancy en 1790 et il sert dans le régiment d'infanterie du roi. À cette époque, la France connaît une grande période de changement, puisque la Révolution française a commencé depuis 1789. Les députés du tiers-état, ceux qui ne sont ni nobles ni membres du clergé, puis le peuple parisien et les habitants des campagnes se révoltent contre la hausse des prix, les privilèges et les inégalités de la société. Ils obtiennent l'abolition des privilèges le 4 août 1789 et surtout la création de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789. Ces grandes réformes seront suivies par la réorganisation administrative de la France. Mais revenons à Nancy et à notre lieutenant en garnison, à l'été 90. L'agitation progresse dans les rangs du régiment d'infanterie du roi. Les soldats accusent leurs supérieurs de garder l'argent des salaires pour eux. Pour calmer la situation, le ministre de la guerre envoie un médiateur, le marquis de Bouillé, à Nancy. Mais les soldats déclenchent une mutinerie le 31 août 1790. Une émeute se produit donc entre les soldats et les troupes du marquis de Bouillé, venus résoudre la situation. Cette émeute a lieu au pied de la porte Stainville, porte située à l'ouest de la vieille ville et à l'extrémité nord du cours Léopold. Cette porte, qui s'est d'abord appelée la porte Saint-Louis, puis porte Stainville, a été construite entre 1782 et 1785. Elle a été un des premiers monuments commémoratifs rendant hommage aux troupes françaises tuées lors de la guerre d'indépendance américaine pendant la bataille de Yorktown. Mais revenons au lieutenant Désilly. Le lieutenant Désilly tente de s'interposer et de calmer l'émeute ayant lieu devant la fameuse porte Stainville. Mais dans l'agitation, il est touché par 3 balles à la jambe et tombe au pied de cette porte. L'affection de ses plaies va le tuer le 17 octobre 1790. Cet épisode, aussi connu sous le nom de l'affaire de Nancy, a mis en lumière l'héroïsme du jeune lieutenant qui est intervenu pour mettre un terme à l'émeute. Il sera ensuite décoré par l'Assemblée nationale en raison de son acte d'héroïsme. Et en son honneur, la porte Stainville va changer de nom et deviendra officiellement la porte des îles en 1867. Aujourd'hui, cette porte a fait l'objet d'une imposante restauration et devient un mémorial en l'honneur des Nancéens morts pour la France depuis 1914. Voilà pour l'origine de la porte et du mémorial des îles. Il ne vous reste plus qu'à vous y rendre si vous n'y êtes pas encore allé, ou alors, si vous le voyez tous les jours en allant travailler ou en ouvrant vos volets, vous saurez maintenant pourquoi ce monument porte ce nom. À bientôt pour ouvrir de nouvelles portes de notre histoire.